إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Durant cette période assez difficile pour les croyants, les notables de Quraysh, voyant que les persécutions physiques ne faisaient pas vaciller la foi des croyants et leur islam, adoptèrent dans le même temps une approche plus diplomatique par la négociation et les arrangements. Ils allèrent trouver Abu Talib qu'il intervienne pour que son neveu cesse sa prédication. Ils lui dirent « Ton neveu fut hostile envers nous dans notre assise et notre mosquée. Retiens-le donc contre nous. » Abu Talib chargea son fils Aqil de ramener le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit avec Aqil alors que la chaleur de la mi-journée était à son paroxysme, ce qui poussa le messager sallallahu alayhi wa sallam à marcher dans les zones ombragées. Arrivé auprès d'Abu Talib, ce dernier lui dit « Ceux-là, les fils de ton oncle, tes cousins, prétendent que tu leur portes préjudice dans leur espace » et leur mosquée. Dans leur espace, c'est-à-dire que les Quraïchites, les notables de Quraïch, avaient un endroit proche de la Kaaba où ils se réunissaient et discutaient des choses importantes pour eux. Ils prétendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur était hostile au sein même de la mosquée et dans leurs assises. Alors Abu Talib dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Je veux que tu arrêtes cela. » Le messager sallallahu alayhi wa sallam leva ses yeux au ciel et dit « Voyez-vous ce soleil ?» Ils dirent oui. Il leur dit alors « Il m'est impossible de délaisser cette chose, c'est-à-dire l'appel à l'islam, autant qu'il vous est impossible de m'apporter une flamme de ce soleil. »« Ma ana bi aqdari ala an ada alakum dhalik ala an tastash'ilu li minha shu'la » Abu Talib dit alors par Allah, je ne démens pas mon neveu, repartez d'où vous êtes venu. Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Hakim dans le Mustadrak et authentifié par Sheikh al-Albani qui l'a cité dans Al-Silsilatu Sahiha sous le numéro 92. Quant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on peut lire ici et là dans les livres de Sirah, ô mon oncle par Allah, même s'il plaçait le soleil sur ma main droite et la lune sur la main gauche, je n'abandonnerai jamais ma mission jusqu'à ce qu'Allah me donne la victoire ou jusqu'à ce que je meure pour sa cause. Cette version-là n'est pas authentique car la chaîne de transmission comporte une interruption, ce qui rend cette parole-là faible. Bien sûr, il y aura d'autres négociations dont nous parlerons en temps voulu, qui perdureront jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quittera la Mecque. À la suite de cela, les pressions s'intensifièrent sur le messager sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Les associatres parmi les notables de Quraysh demandèrent au messager sallallahu alayhi wa sallam des miracles afin de prouver la véracité de son message et de sa prophétie. Ils voulaient par cela le discréditer. Ils voulaient qu'il se ridiculise devant son incapacité à produire des miracles. Il serait alors légitime pour eux de l'expulser de la Mecque. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a dit, les notables de Quraysh demandèrent au messager sallallahu alayhi wa sallam la chose suivante. Invoque pour nous ton Seigneur qu'il nous transforme le mont de Safa en or. Et alors nous croirons en toi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit, vous le ferez vraiment? Ils dirent oui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commença à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Jibril alayhi salam se présenta au prophète et lui dit, ton Seigneur puissant et exalté t'adresse ses salutations et te dit, si tu le souhaites, le mont de Safa sera transformé en or. Or, celui qui m'écroit après eux après cela, je le châtierai d'un châtiment comme je n'ai châtié aucun auparavant. Et si tu le souhaites, j'ouvre la porte du repentir et de la miséricorde. Le prophète répondit alors, la porte du repentir et de la miséricorde. C'est-à-dire qu'il n'a pas demandé ce miracle de peur que les siens, parmi son peuple, ne mécroient par la suite et qu'ils soient châtiés d'un châtiment dont Allah n'a châtié aucune personne avant eux, comme celui-là. Le prophète a préféré ouvrir la porte du repentir et de la miséricorde à défaut d'avoir ce miracle devant leurs yeux. Abdullah ibn Abbas radiallahu tabaraka wa ta'ala a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ce sujet. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا Sourate 17, verset 59. Rien ne nous empêche d'envoyer des miracles, si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. Nous avions apporté au Samoud la chamelle qui était un miracle évident, visible, mubsira, mais ils lui firent du tort. En outre, nous n'envoyons de miracles qu'à titre de menace. Ce hadith, vous pouvez le trouver dans le Mousnad de l'imam Ahmed, sous le numéro 232, avec une chaîne de transmission authentique. Cela signifie que si Allah subhanahu wa ta'ala leur avait envoyé des miracles aussi visibles que celui de la chamelle de Thamoud, ils l'auraient rejeté et il leur aurait été d'aucune utilité. Mais devant l'insistance des Quraysh et leur entêtement, il demanda de nouveau un miracle. Allah tabaraka wa ta'ala fit que la lune se scinda en deux parties. L'imam al-Bukhari rahimahullah tabaraka wa ta'ala rapporte cet événement sous trois narrations différentes. La narration de Anas ibn Malik, la narration de Abdullah ibn Mas'ud et la narration de Abdullah ibn Abbas. Dans ces trois narrations, avec quelques variantes à chaque fois, ce qu'il est important de noter, c'est qu'on a la narration de Abdullah ibn Mas'ud qui fut un témoin oculaire de cet événement, contrairement à Anas ibn Malik et contrairement à Abdullah ibn Abbas. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. D'après Anas رضي الله عنه, les habitants de la Mecque demandèrent au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم de leur montrer un miracle. Il leur fit alors voir la lune fendue en deux, de telle sorte qu'entre les deux morceaux on apercevait la montagne de Hira, rapportée par l'imam al-Bukhari sous le numéro 3868. Le hadith qui suit, dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, c'est la version de Abdullah ibn Mas'ud, حيث قال, إن شق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال اشهدوا وذهبت فرقة نحو الجبل. Abdurrah ibn Mas'ud a dit, la lune se fendit en deux pendant que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mina. Le prophète s'écria, soyez témoins de ce fait. Un des morceaux s'éloigna dans la direction de la montagne de Hira. Il y a une version aussi de Abdurrah ibn Abbas dans le Sahih de l'Imam al-Bukhari qui est similaire à ces deux versions. On a aussi la version de Abi Dawud al-Tayalisi rahimahullah tabaraka wa ta'ala, qui rapporte d'après Abdullah ibn Mas'ud qui a dit إن شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قريش هذا سحر ابن أبي كبشة هذا سحر ابن أبي كبشة قال فقالوا انتظروا ما تأتيكم به السفار فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم قال فجاء السفار فقالوا ذلك. Abdullah ibn Mas'ud a dit, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, la lune se fendit du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et les Quraishites ont dit, c'est la sorcellerie d'Ibn Abi Kabsha. Il voulait signifier par ce laqab, ce surnom, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'il le surnommait, pour le dénigrer, Ibn Abi Kabsha. Donc ils ont dit, c'est la sorcellerie d'Ibn Abi Kabsha. Ils dirent, attendez de voir ce que diront ceux qui reviennent de voyage, ceux qui sont en dehors de la Mecque. Car il est impossible que Mohammed ait ensorcelé tout le monde. Les voyageurs arrivèrent à Mecca et ils témoignèrent de cela. Cette chaîne de transmission ou ce hadith aussi est authentique. D'ailleurs, le Coran a immortalisé ce miracle. Allah dit tabaraka wa ta'ala au début de la sourate numéro 54. Iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Wa kullu amrin mustaqir. Sourate 54, verset 1 à 3. L'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent « C'est une sorcellerie persistante. » Et ils le traitent de mensonge et suivent leur passion. Or, chaque chose arrivera à son terme et son but. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que la lune s'est fendue du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que les mécréants de Quraysh, devant ce miracle clair comme de l'eau de roche, Mubsira, comme ça a été rapporté dans un autre verset concernant la chamelle de Thamoud, Mubsiratan, clair et évident, ils s'en détournèrent et ont dit, ceci est une magie évidente ou une magie persistante, ou c'est la magie de Ibn Abi Kabsha. Et ils le traitèrent de mensonge et suivirent leur passion. Cela vient appuyer ce qu'Allah nous avait dit les concernant. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Rien ne nous empêche d'envoyer des miracles, si ce n'est que les anciens les avaient déjà traités de mensonges. Nous avions apporté aux Thamoud la chamelle qui était un miracle visible. Est-ce que cela les a poussés à croire? Est-ce que cela les a poussés à délaisser l'égarement dans lequel ils étaient? Non, cela n'a fait qu'augmenter leur transgression, leur égarement, leur refus de la vérité. Mais ils lui firent du tort, en outre nous n'envoyons de miracle qu'à titre de menace. Donc tout comme la chamelle de Thamoud, qui était un miracle clair, il y a eu le scintillement de la lune, on ne peut plus visible et on ne peut plus clair. Mais les miracles ne sont d'aucune utilité pour des gens déterminés à rester dans leur égarement, aveuglés par leur passion et imperméables à la vérité. Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans la même sourate, les versets qui suivent, sourate 54, « وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرْ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرْ. » Ils ont pourtant reçu comme nouvelle de quoi les empêcher de faire du mal. Cela est une sagesse parfaite. Mais les avertissements ou les avertisseurs ne leur servent à rien. Ils n'en profitent nullement. Face à ce miracle, ils accusèrent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de sorcellerie, comme ce fut le cas de Moussa, qui fut accusé aussi de sorcellerie par Pharaon et les siens. Je voudrais ici soulever un point important. Certains musulmans tentent de convaincre des mécréants en disant que la fracture de la lune ou le morcellement de la lune en deux parties est prouvé scientifiquement. Par cela, il cherche à gagner l'agrément ou gagner les cœurs de ses mécréants. Mais raisonner de cette façon n'est pas correct. La séparation de la lune en deux parties est un fait établi par le Coran et la Sunna qui ont autorité sur toutes les théories scientifiques, quelles qu'elles soient. La séparation de la lune en deux parties est un fait établi par le Coran et la Sunna qui ont autorité sur toutes les théories scientifiques. Les musulmans y croient car prouvé par le Coran et la Sunna, même si tous les scientifiques du monde affirment le contraire. Car l'être humain est ignorant de la grande majorité des choses qui l'entourent. Même si des fois il est rempli de certitudes, cela ne change pas la réalité des choses. C'est pour cette raison que la révélation à autorité sur les théories scientifiques qui la contrediraient, fussent-elles, ces mêmes théories, objet d'un consensus des scientifiques. On ne prouve pas la véracité de la révélation par la science, mais on prouve la véracité d'une chose par la révélation, ou tout simplement par la réalité de cette chose qui est connue de tout le monde. Par exemple, comme le fait que le feu brûle. On n'a pas besoin d'un scientifique pour nous prouver que le feu brûle. Chacun d'entre vous, un enfant de 3 ans, c'est que le feu brûle, quand même. Mais pour les choses qui ont besoin de recherche, ou on émet des hypothèses, alors cela ne constitue pas des vérités à part entière. C'est pour cela que on ne peut pas prouver l'authenticité de l'islam par ces mêmes théories. Mais le contraire est juste. On prouve des faits scientifiques par le Coran. Car le Coran, la révélation ou la sunna ont autorité et ont prééminence sur toutes les théories scientifiques, quelles qu'elles soient. Une autre ambiguïté qui traîne sur ce miracle est le fait que les athées, les chrétiens, voire les détracteurs de l'islam, disent que si cet événement s'était réellement produit, les autres peuples et civilisations de la terre à cette époque l'auraient relaté et cela nous serait parvenu. Comme nous l'avons dit, ce miracle est attesté par le Coran, par la Sunna et par l'unanimité des savants. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimallah tabaraka wa ta'ala, a dit: Allah nous informe dans la sourate Al-Qamar de l'approche de l'heure du jugement et de la séparation de la lune en deux parties. Quant à la séparation de la lune en deux parties, les gens à ce moment ont pu la voir et en être témoins. Les narrations sur cela furent conséquentes. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lisait cette sourate dans les grandes assemblées comme durant la prière du vendredi ou le jour des fêtes de l'Aïd, afin que les gens puissent entendre les signes de la prophétie et les exhortations qui s'y trouvent. Tous les gens acceptaient cela sans réprouver cette information. On sut alors que la séparation de la lune en deux parties était un fait connu de tout le monde. Vous pouvez trouver cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Al-Jawab al-Sahih, l'imam Battala, din al-Masih, volume 1, page 414. Ceci étant dit, comment dissiper cette ambiguïté qui est de dire si cet événement s'était réellement produit, les autres peuples et civilisations de la terre à cette époque l'auraient relaté et cela nous serait parvenu. La réponse à cela. Premièrement, la séparation de la lune eut lieu la nuit, car la lune est un signe de la nuit, comme le dit Allah Tabarakata dans le Coran. Les Quraïchites demandèrent un miracle en début de soirée. Ce miracle vint pendant la nuit. Et la majeure partie des gens de cette région, de la péninsule, du Chem, du Yémen, étaient en train de dormir ou bien étaient chez eux tout simplement. Car ce miracle s'est produit en plein milieu de la nuit. Et les pays et les régions à l'ouest de la péninsule étaient encore dans la journée ou dans le jour. Deuxièmement, ce miracle, comme le disent les savants, dura un instant assez court. Troisièmement, les gens de Mecca l'ont vu pour beaucoup d'entre eux. Car ils attendaient ce miracle, contrairement aux autres peuples qui n'attendaient rien de ce genre. Quatrièmement, les apparitions de la lune ne sont pas au même moment suivant l'endroit où l'on se trouve sur terre. C'est ce qu'on appelle en arabe « al-matali'a »« tartalifu birtilafi al-makan ». En résumé, les causes sont nombreuses sur le fait que cet événement ne soit pas rapporté par les autres peuples et civilisations, bien que Ibn Kathir rapporte que dans les civilisations indiennes, on rapporta cet événement. En conclusion, les Quraïchites étaient désemparés devant ces preuves et ces signes indéniables. Ils n'avaient comme solution pour se sauver la face que d'accuser le messager sallallahu alayhi wa sallam de sorcier ou de devin. Les exactions perdurèrent sur les croyants et à l'entame de la cinquième année de la révélation, les musulmans songèrent à trouver des solutions qui leur permettraient d'échapper au châtiment et les tortures que les associâtres leur infligeaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensa à une solution. Il demanda aux croyants de partir en Abyssinie, un endroit où ils seraient en sécurité et non persécutés. Cette émigration aura lieu au mois de Rajab, le septième mois de l'année hijrienne, de cette même année, de l'année 5 de la révélation. Il y aura durant cette première émigration 11 hommes et 4 femmes. Nous évoquerons cela en détail dans le prochain cours. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa nas'Allah jalla wa ala niwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yarda, wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina, wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ash'adu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.